ma vie. Je sais pas bien comment elle est, je me cherche pas là. On m'appelle Lovely. Dans ma tari, y'a une voiture garage qui s'est gala. All eyes on me. All eyes on me. All eyes on me. Du CRS à l'entrée du check et j'ai pas de permis. Et ils se croient tout permis. Je voulais du bon chez servi. J'avoue là ils m'ont énervé comme dans mon plus de sang. Je fais des grosses boulettes sur mon pull. On se blesse entre amis, on se parle plus, on se reparle et y'a rancune. Ils iront se faire enculer. Je vais pas fuser pour passer à la télé, je suis pas manipulé. Si j'avance, je vais pas reculer. Moi qui m'as dit tu es, je ne pas là où ça pulait. Je n'ai qu'elle oseille à ce qui fait finir comme le chiffre que je viens de brûler. Mais si t'es frappé, tu menaces, t'es tombé sur un bolos. Il a rien dans le cerveau, tu vas y passer parce qu'il est beau gosse. Je pas trop bien qu'on me laisse, qu'on me laisse, je me lasse. Je mets mon son pour pas écouter tous les pics qu'on me lance. Des fois ça comme des lettres, même t'es cuit, j'ai sorti une Ferrari. Mais c'est souvent quand tu sens que tout va bien que le pire arrive. On s'aime, mais des fois je sens qu'on périt, chérie. J'oublie tout au volant du BM, rabut sur le périphérique. Marseille, Paris, aquarium, mec dans leur Audi. Avec Wari, on fume la toxique ou même la Audi. Sur ma vie, j'suis pas bien qu'on me laisse, me cherche pas là. Dans ma tari, y'a une voiture garage qui se gala. Sur ma vie, j'suis pas bien qu'on me laisse, me cherche pas là. J'suis dans ma tari, y'a une voiture garage qui se gala. Trop de fils de bâtards là, qui m'ont mis la mort. Change de camp quand ça va pas là, j'suis pas trop d'accord. J'ferai pas la puta si on a passé un accord. Ok, tu m'entends venir quand j'fais cracher les rapports. J'ai plein de grosses folles, de grosses sommes. Donc bas là-bas, le fait qu'il fait l'homme avec son gun comme et ça m'attraque. J'suis pour les vieux, les jeunes, non mon sang n'a pas d'âge. On est ensemble, sur toi j'compte, c'est pas la tasse. Le soleil brille quand les nuages sont pas là. Le cœur pleure quand les mots font les balafres. Quand frère essaie de faire comme il peut, c'est dur. Quand mon petit frère a mis son coffrage dans une calache. J'ai un cœur pour ça que nos potos me coûtent peu. Si j'avais pas un, j'mangeais le pain de maman, je rentrais au couvre-feu. Tout le monde me fait la tête, je sais pas ce que j'ai loupé. Ce que je sais, moi, c'est que j'ai pas laissé mes francs, viens pour une poupée. Salut, nique ton père la cagette, tu parles sur moi en cachette. J'ai un calibre, tu es beau, mais t'as pas une balle dans la gâchette. Je me rachète si j'ai fait ma putain d'erreur. On me dit que c'est rare, le succès me range de l'intérieur. Sur ma vie, j'suis pas bien qu'on me laisse, je suis pas là. All eyes on me, all eyes on me. Y'a une voiture je pas bien qu'on me laisse, je suis pas là. C'est la crise au tiers, mec. Y'a une voiture qui rentre et qui s'égare.